que je compte pour toi. Je te trouble, mais tu ne sais pas. Si tu voudrais bien de moi, quand bien même tu le sauras, moi tu sais que je serai là. Si simple que ça.